période prophétique de 40 jours sur la destruction du 6e nœud coulant au Temple des Nations de Paris, situé au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, 92 390 Villeneuve-la-Garenne, avec au programme des révélations importantes sur le chiffre 666 et des délivrances sur le lien avec ton cordon ombilical. Tous les jeudis et vendredis à partir de 18h30 et tous les dimanches dès 9h. Contact plus 33 69 89 224. Aimez et abonnez-vous sur notre page YouTube Temple des Nations. Accès métro ligne 13, descente à l'arrêt Gabriel Péri ou par RERC, arrêt Les Grésillons, puis prendre le bus numéro 177, descendre à l'arrêt Carrefour. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, je suis dans la salle, je le sais déjà, depuis le Temple des Nations. À Yaoundé, au Cameroun, le Temple des Nations... Le ministère va et raconte ce que j'ai fait pour toi. C'est Dieu qui avait prononcé ces paroles. Le jour que Jésus-Christ m'avait délivré, il a dit, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Et je suis là effectivement pour raconter ce qu'il a fait pour moi. C'est pas une simple histoire, c'est ma délivrance. Il m'a délivré. Et c'est pourquoi je suis aussi imprégné, j'ai aussi reçu une mission de délivrer ceux qui sont enchaînés par les puissances des ténèbres, les puissances démoniaques depuis les temps anciens, depuis Adam jusqu'à nos jours. Depuis Adam jusqu'à nos jours, comme je le disais, en attendant que le Cameroun nous appelle, parce que c'est pour vrai que nous sommes coupés avec le Temple des Nations, en attendant donc qu'ils nous appellent, le réseau est un peu déglace aujourd'hui, ils appellent déjà. Donc, allô? Oui, vous étiez coupés, le Temple des Nations. Si vous pouvez offrir une offrande d'acclamation, là nous allons comprendre, nous allons savoir que vous êtes en direct. Merci, soyez bénis. Et je sais que beaucoup parmi vous sont déjà délivrés. Depuis que les signes qui prouvent que vous êtes envoûtés ont été donnés hier et nous continuons aujourd'hui. Parce qu'il restait effectivement une partie. On avait déjà parlé des rêves érotiques et le plus souvent très pornographiques. Des rêves érotiques, puisque je parlais justement de la délivrance, Jésus m'a délivré. Et il a dit, va et raconte ce que j'ai fait pour toi, ça veut dire, va aussi délivrer. Dans le livre de Marc au chapitre 16, à partir du verset 15, il dit, allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et comme moi j'ai cru, ces miracles m'accompagnent. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Et c'est pourquoi nous dénonçons, parce que l'évangile, c'est l'œuvre de délivrer. Il nous délivre premièrement du péché originel, parce qu'il est ressuscité. C'est le message qui délivre qui que ce soit du péché originel. Il a donné sa vie, et en suivant tous les signes que je vais donner tout à l'heure, si vous ne croyez pas que Jésus est ressuscité, mais sachez que vous ne pouvez pas être délivré. Selon Romains chapitre 10, à partir du verset 10 et le verset 11, que nous allons lire, Romains chapitre 10, que nous allons lire dans le premier signe que je touche aujourd'hui, les rêves érotiques et le plus souvent très pornographiques se répétant avec une fréquence assez élevée. Les rêves érotiques, c'est parfois, ce ne sont pas toujours les rapports sexuels, mais on te caresse, ou bien tu vois une jeune fille qui marche avec toi, un jeune garçon, un homme qui ne te touche même pas, mais qui te fait des signes. Ça aussi, ce sont des rêves érotiques. Ça, c'est une preuve que vous avez un mariage spirituel et que votre foyer actuel n'ira pas loin. Et que votre prospérité dans le foyer, parce que tout ce que vous voyez lutte contre votre prospérité. Votre prospérité dans le foyer, votre santé dans le foyer est effectivement hypothéquée. Donc nous pouvons lire le livre de Romains, le chapitre 10, à partir du verset 10 également. Romains, chapitre 10, à partir du verset 10, il est écrit: car c'est en prenant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en contestant de la route qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Si son droit en lui ne sera point rompu. Amen. Amen. Quiconque croit en lui ne sera point confus face à Satan, face aux démons. Parce que quand nous lisons, nous donnons des signes comme ça, il y a certaines personnes qui ont certainement peur. Qui ont certainement peur, pensent que le diable est plus puissant. Non. Pas du tout. Le diable est plus puissant pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Pour ceux que Jésus n'a pas encore touché. Ceux qui ne veulent pas ouvrir leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Selon ce qui est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. L'apôtre Paul explique les paramètres de la portée du salut, le salut qui est dans votre délivrance. La délivrance ici sur le péché originel, d'abord, et la délivrance sur les péchés héréditaires et tous les signes que nous avions donnés depuis le début, passent par les liens héréditaires et personnels. La délivrance aussi sur les péchés personnels. Étant donné que la plupart des juifs de l'époque rejetaient donc fermement aussi l'idée que Dieu étend sa grâce aux païens. Les juifs rejetaient l'idée que Dieu pouvait étendre sa grâce aux païens. Parce que ce que Dieu avait fait, c'est pourquoi on parle de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament permet aux païens, donc toi et moi, d'entrer dans la grâce de Dieu. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, ce n'était pas permis. Il fallait passer par des rites comme la circoncision et autres pour être accepté comme quelqu'un qui appartient à Dieu, mais pas enfant de Dieu. Alors, parce que les Juifs constituaient auparavant un peuple spécial que Dieu a élu, ils croient également être le seul peuple qu'il a sauvé, alors qu'ils étaient toujours habités par le péché originel. Et c'est pourquoi ils vont rejeter celui qui va aller donc, qui pouvait les délivrer du péché originel. Par conséquent, de même qu'ils ont rejeté Jésus et ses enseignements, ils rejettent avec véhémence aussi les enseignements de Paul. C'est pourquoi Paul était donc persécuté. Et ce même démon touche également tous les hommes dans le monde entier. Il rejette Christ, c'est pourquoi nous sommes persécutés. Et c'est pourquoi tous ceux qui prêchent la nouvelle naissance, pas la religion. On peut parler des crises dans la religion comme catholicisme, comme protestantisme, ou bien les autres religions parlant de Christ. Mais si on ne touche pas la nouvelle naissance qui va jusqu'à la destruction, jusqu'à la démolition du péché originel, on n'est pas sauvé. Du péché originel, on ne peut pas entrer au ciel. Donc, c'est pourquoi, de nos jours, nous devons prêcher l'évangile qui apporte la délivrance, qui déclenche la délivrance, qui passe uniquement par Jésus-Christ qui est le Messie, le Christ. le Christ choisit afin d'être un instrument pour porter son nom devant les nations. Nous sommes des instruments. Paul a été un instrument pour porter le nom de Christ devant les nations, toutes les nations du monde entier, et même les Juifs. J'étais choisi du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu. Vous voyez. Mais Paul déclare que le fait que Dieu offre son salut à tous les païens n'a rien de nouveau. Il offre son salut en passant par Jésus-Christ. C'est pourquoi si vous continuez à croire que vous pouvez résoudre vos problèmes par vos propres traditions et rudiments du monde, vous allez en enfer. Parce que vos traditions, vos coutumes africaines, je le dis tout le temps, vos coutumes africaines ne peuvent jamais vous délivrer du péché originel. C'est cette portion de l'évangile que Satan a réussi à cacher. Même aux serviteurs de Dieu qui prêchent l'évangile, aujourd'hui, parlant des églises de réveil, ils n'ont pas la révélation, la grande majorité des serviteurs de Dieu n'ont pas la révélation sur la puissance du péché originel qui aurait plongé toute l'humanité dans les ténèbres. Quiconque croit, il dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Ésaïe commence par prophétiser sur cette phrase. Ésaïe chapitre 28 verset 16. Ésaïe chapitre 28 verset 16. Nous lisons à partir du Cameroun ou bien à partir de Paris si maman est prête. Ésaïe chapitre 28. À partir du verset, chapitre. Même si c'était audible, j'ai déjà répété ça 100 fois. Comment tu as su que j'ai donné un verset biblique? Comment tu as su que moi j'ai donné un verset biblique? Ésaïe, chapitre 28, verset 16. Il est écrit. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Une pierre éprouvée. Une pierre angulaire de prix. Solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Celui qui prendra cette pierre pour appui ne sera point confus. Écoute, l'apôtre Pierre revient sur la même parole. Sur cette même parole aussi. 1 Pierre chapitre 2. Et dit, nous sommes des pierres vivantes. Dans le livre de 1 Pierre au chapitre 2. Et nous allons lire, nous allons d'abord chercher 1 Pierre chapitre 2, à partir nous lisons, approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, aucun incrédule ne peut être délivré du péché originel, que ce soit des signes, et même des signes que je viens de donner, que nous allons donner tout à l'heure, en ce qui concerne les envoûtements, les différents envoûtements qui brisent, qui détruisent les corps des uns et des autres dans le monde entier. Pourquoi tout cela vous arrive? Parce que vous ne croyez pas. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, qu'est-ce qu'il veut dire par là? L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Et c'est à cela qu'ils sont destinés, c'est le Cameroun. Il faut envoyer. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Est-ce que vous me suivez? Là, nous te suivons. Je vous avais le téléphone chinois. Alors, le Cameroun revient. Alors, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. On a lu tout à l'heure avec maman, c'était Ésaïe chapitre 28, verset 16. Et je crois que notre lecteur potentiel du Cameroun a reçu le verset cette fois-ci. Oui. N'aura point hâte de fuir froid, de fuir la sorcellerie, de fuir les envoûtements. Parce que quand tu reçois le Seigneur, il te donne la puissance d'écraser Satan et ses œuvres, d'écraser les esprits. Vous n'avez plus hâte, vous n'avez plus besoin de fuir la sorcellerie. Ceux qui fuient la sorcellerie, ce sont des païens. Les gens qui ont peur des sorciers, qui ont peur des démons, ce sont des païens. Il n'y a plus de confusion, c'est ça le thème central de cette prédication aujourd'hui. Plus de confusion pour ceux qui croient au Seigneur Jésus, face à la sorcellerie, face aux envoûtements. Face aux envoûtements. Quiconque croit, Dieu a toujours fait partie du plan de Dieu, ce mot a toujours fait partie du plan de Dieu. Quiconque croit. L'apôtre Paul dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement. Le salut, c'est votre délivrance. Je n'ai point honte de l'évangile. Mais il y a des gens qui ont honte de l'évangile. Ils ne parlent jamais de Christ en public. Christ ne peut jamais vous délivrer. Ils ne viennent pas. Ils font semblant d'assister au culte. Ils viennent au culte seulement quand ils ont des problèmes. Alors, nous allons revenir. La Bible dit, c'est Romains, le livre de Romains qui vient de le déclarer. Quiconque, Romains chapitre 1er verset 16, quiconque croit en lui ne sera point confus. Et ici, dans le livre de Romains, au chapitre 1er verset 16, il est dit, pour la délivrance. Pour la délivrance de quiconque croit. Si tu crois ce soir, pendant que je suis en train de parler, tu seras délivré, délivré totalement de tout ce qui sera dit tout de suite. Parce que nous allons commencer à dénoncer. Et croire veut dire se lever et venir au temple. Pas seulement que tu suis à la radio, à la télévision, parce que nos messages passent dans les chaînes de télévision, comme Canal Vie, ceux qui ont le décodeur Rao, que ce soit Fréquence Vie au Cameroun, que ce soit Temple des Nations TV, sur YouTube Temple des Nations, nos vidéos passent par là. Et il faut vous lever pour venir donc au Temple des Nations Paris. Vous n'écoutez pas seulement à la radio ou bien à la télévision. Vous vous levez pour venir. Voici les signes qui prouvent que vous êtes victime de plusieurs envoûtements. Nous sommes au sixième ou au septième nœud. Et là, c'est un rappel. Je reviens sur tout ce que j'ai dit pour commencer à prier individuellement. Suivez-moi très bien. Si vous êtes concerné, il faut être au temple tous ces temps-ci, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à dimanche, si vous avez des malaises, des vagues, ou bien des contractures musculaires, si vous avez des choses semblables, les douleurs d'articulation quand vous vous réveillez, pendant que je suis en train de parler, vous vous mettez debout, et je prophétise, parce que la Bible dit, le mal est donc pour quiconque croit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Ne sera point confus. Tu n'entres dans la confusion de la sorcellerie. Il y a des sorciers qui viennent souvent masser les corps des gens. Ils font le massage. C'est pourquoi vous vous réveillez étant fatigué. Les sorciers font le massage. Vous êtes le banc. J'ai dit le banc. Ils viennent s'asseoir sur vous. Ils vous amènent. C'est pourquoi vous rêvez que vous êtes dans les marchés, vous êtes dans les réunions familiales. Parce que vous êtes le banc du système de sorcellerie, de la confrérie des sorciers de votre famille, de votre quartier là où vous habitez, même si vous êtes en Europe, et que vous rêvez que vous êtes dans une réunion, que la réunion soit professionnelle, que la réunion soit également familiale, que la réunion soit une réunion d'amitié, mais sachez que vous êtes victime de la sorcellerie et qu'on est en train de vous exploiter. Et c'est pourquoi j'ai détruit par la puissance du Saint-Esprit cette exploitation familiale, cette exploitation professionnelle. Si ça vous concerne, que vous êtes dans la salle, vous vous mettez debout. Et si vous n'êtes pas dans la salle, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Europe, vous devez venir ce jeudi au Table Nation au 34 avenue du vieux chemin de Saint-Denis. Et puis vous allez comprendre, vous verrez l'adresse sur la vidéo, vous allez obtenir votre délivrance là sur place. Et si vous êtes debout, les hommes de Dieu, ceux qui se lèvent là, qui reconnaissent qu'ils sont passés par là, que ces signes se manifestent dans leur vie, on doit déposer l'huile d'onction sur toi, sur ton front. L'huile d'onction, c'est la présence permanente du Saint-Esprit. Si tu as des douleurs musculaires, si tu as des crampes par moment, des crampes musculaires, que ce soit des crampes au niveau de la cervicule, que ce soit des crampes au niveau des muscles, des jambes, tu es couché ou bien tu marches, tu as des crampes, tout cela indique que tu as un problème d'envoûtement et que ces esprits convenus, le vampire, est en train de travailler d'une manière certaine. Alors, ceux qui sont passés dans les histoires d'acupuncture, si tu as rencontré des Chinois, des Hindous qui font l'acupuncture, sache que tu as été envoûté. Ce sont des pratiques qui sont accompagnées par des démons, par des esprits. Allez à l'hôpital, vous ne voulez pas aller à l'hôpital. Moi, je vais à l'hôpital, moi qui vous parle. Mais je n'utilise pas les trucs hindouisme, que ce soit asiatique, de l'Inde, de Chine, de ceci, de cela, pour se soigner. La coupe, il choisit des parties de ton corps pour piquer les aiguilles. Et si ces aiguilles, vous allez voir l'envoûtement par les figurines. L'envoûtement par les figurines, ça veut dire, c'est une poupée fabriquée à base de chiffon, à base d'un liquide qui se coagule rapidement, comme la graisse d'un animal, comme les bougies fondues, et puis on fabrique une poupée, on fabrique une représentation. Ceci te représente toi. C'est ça les figurines, ce qui te représente. Ça peut être également une photo. Et puis commence à piquer les aiguilles. Et c'est pourquoi tous ceux qui sont passés par l'acupuncture, en piquant les aiguilles sur tes parties sensibles de ton corps, cela prouve que tu as été envoûté. Si tu es passé par là, c'est un envoûtement. Que ce soit ici en Europe, c'est tellement répandu. Parce que quand vous avez besoin, lorsque vous avez besoin de la santé, vous livrez votre corps à Satan. Vous livrez votre corps à n'importe qui. Il commence à vous manipuler. Il y a ceux qui vont chez les fétichants, commencent à masser votre corps. Vous avez été, si on appelle ça un envoûtement par massage. Si un féticheur vous avait massé, vous avez été envoûté. Dans les centres de massage également, dans la ville où on se couche nu, une jeune fille commence à mélanger, à toucher ton sexe. Toi, un homme, tu es un homme responsable. Tu vas te coucher sur une table de massage. On te déshabille. La jeune fille met ses mains sur tes parties intimes. Ne sais-tu pas que tu as été envoûté? Beaucoup de femmes sont envoûtées de cette façon. On commence à masser tes seins, soi-disant massage. Ce sont des envoûtements, ce sont des actes, des envoûtements. des malédictions qu'on impose sur toi. On prend tout. Le, au fur et à mesure, l'huile qu'on applique, on te fait croire que c'est l'huile essentielle. Mais est-ce que c'est l'huile essentielle naturelle? Tu sais que c'est fabriqué à base de quoi? Parfois, c'est l'huile du python, l'huile de serpent. Et puis, on commence à, et ça pénètre dans tes pores. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui me regardent sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup également aujourd'hui qui m'écoutent par le canal de la radio. Ils sont fièrement assis dans leur maison. Parfois, quand on prêche comme ça, ils rigolent. Mais tu ne sais pas que ce sont les démons que tu avais reçus là-bas. Et que ce sont ces démons-là qui sont en train de t'endurcir. Et ces démons-là vont te tuer. Et ces démons vont manifester les maladies cardiovasculaires. À un moment donné, tu commences à avoir des douleurs au niveau des parties intimes, au niveau des articulations, au niveau de certaines parties du corps. Tu as aussi des sensations d'être mal dans ta peau. Tous ceux qui ont des sensations d'être mal dans ta peau, sache qu'on te prend, on t'utilise dans la sorcellerie. On utilise ta peau dans la sorcellerie. Et c'est pourquoi j'ai détruit tout cela au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'envoie le feu du Saint-Esprit là où tu es couché, là où tu es assis, là où tu es actuellement dans une maison en train de regarder cette vidéo. Par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth, des sensations de piqûres dans la région cervicale. Toutes ces sensations, tout doivent te prouver que c'est un signe que tu es envoûté actuellement. Des sensations de piqûres sur la région cervicale et sur l'abdomen, sur la poitrine, sur les parties intimes, les démangeaisons sur les parties intimes. Je parle des démangeaisons sur les parties intimes, mais tu ne comprends pas, tu ne sais pas que c'est un envoûtement. Pas des rapports sexuels. L'homme qui avait couché avec toi, ou la femme, tu as eu des rapports sexuels avec cette femme-là. Ce ne sont pas seulement des virus ou des microbes, mais je précise que ce sont des envoûtements, des prélèvements, des sécrétions vaginales. Ils ont prélevé ton sperme, ils ont prélevé tes sécrétions vaginales, ils sont partis avec au moment des rapports sexuels, au nom de Jésus-Christ Nazareth, pendant que je suis en train de parler. Et si tu as des démangeaisons vaginales, toute personne qui se reconnaît. Et j'envoie le feu du Saint-Esprit. J'envoie le pouvoir de Jésus-Christ Nazareth. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Un surpoids anormal. Auparavant, tu étais maigre. Ou bien, c'est pas maigre. Maigre, c'est déjà mauvais. Mais ton poids, je précise que ton poids doit être égal aussi à ta taille. Si tu as 1m80, ton poids normal doit aussi être 80 kg. Si tu as 1m60, ton poids normal doit aussi être 60 kg. Mais maintenant, tu es en dessous même de 50 kg. Sache que c'est la manifestation d'un envoûtement, des amaigrissements sans raison. C'est essentiellement, je dis bien essentiellement, un envoûtement. Ou bien prendre le poids d'une manière exagérée. Voilà que tu as 1m60, mais tu pèses déjà 100 kg, tu as 30 kg au-dessus de ton poids normal. Tu as 30 kg au-dessus de ton poids normal. Mais sais-tu pas que c'est un signe mauvais d'envoûtement, c'est un signe mauvais d'utilisation chez Satan, on utilise ton corps dans les réseaux sataniques et démoniaques. Est-ce que tu ne le sais pas? C'est pourquoi par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus-Christ Nazareth, j'ai détruit tout ce que Satan a posé comme lien d'envoûtement. Dans ta famille, les gens prennent du poids exagérément. Et toi-même, tu es en train de prendre du poids exagérément. Ton mari est en train de fuir. Il te fuit parce que tu es maigre. Et sur le lit, il n'y a que des os. Il n'y a que des os sur le lit. Et tu te plains que pourquoi mon mari ne m'aime pas. Et si tu as déjà, on ne mange pas les os. Pas du tout. Et si tu prends du poids d'une manière exagérée, c'est une déformation. Une déformation qui est en train de déformer ta silhouette. Aujourd'hui, tu trembles, les organes de ton corps tremblent. Les cuisses tremblent, les seins ça tremble, aussi les joues ça tremble. Avant 40 ans, tu seras déjà vieille aux yeux de ton mari. Et tout ceci, c'est un envoûtement qui prépare ton mari psychologique. psychologiquement aller chercher une autre fille. Et c'est pourquoi tu maigris tout le temps. L'homme aussi, il y a des hommes au gros ventre. Il ne sait plus quoi faire. Il ne fait que boire la bière. Le ventre ne fait que grossir. Tout ceci, c'est un signe d'un envoûtement quelconque. Une déformation qui va pousser ta femme à avoir des sentiments partagés. Lui, elle t'avait rencontré, étant mince, svelte. Aujourd'hui, tu es tellement gros le ventre et posé au niveau des genoux. Et même les parties intimes, ça ne fonctionne plus à cause de ce surpoids. Ça ne fonctionne plus à cause de ce surpoids. Tu dois demander la délivrance, monsieur. Tu dois demander la délivrance, madame. Ceci est très important. Par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus de Nazareth, le sang de l'Alliance, j'ai détruit toute malversation satanique physique. Toute malversation satanique physique. Parce que les sorciers dans ta famille peuvent te déformer. En t'amenant à maigrir. En t'amenant à prendre du poids. Pour que tu sois chassé par ta femme ou bien par ton mari. Il ne vise que ton foyer. Ou bien si tu n'es pas encore marié. Les hommes vont commencer à dire je vais où avec ces petits cochons. Parce que tu es tellement grosse. Tu es tellement grosse. Je vais où avec ces petits cochons? Je vais où avec ces gringalets? Je vais où avec ces gringalets? Parce que tu ne fais que perdre du poids. Tu ne fais que perdre du poids. Tout cela, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. L'épilepsie, la manifestation de cette maladie qu'on appelle l'épilepsie. Dans ta famille, il y a des liens épileptiques. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des enfants épileptiques. Mais ils ne savent pas du tout que c'est un envoûtement. À l'hôpital, on a dit qu'on ne peut plus soigner. Tu prends des produits tous les jours. Tu prends des produits tous les jours. Mais ça ne marche pas du tout. Mais Dieu t'avait destiné à la santé. Lorsque Jésus est venu dans ce monde, il dit qu'il est venu, il a pris les maladies sur lui. C'est écrit dans le livre d'Ésaïe 53. Mais pourquoi les hommes qui sont censés vivre dans la paix, vivre dans la santé, continuent à garder dans leur corps ce genre de maladie? Lorsque je parlais hier, qu'est-ce que Dieu m'a révélé à propos de cette toile d'araignée que j'ai vue sur moi, étant habillé en blanc? Et Dieu me montre des toiles d'araignée sur moi. Il y a beaucoup de personnes ici également aujourd'hui qui ressentent des manifestations des toiles d'araignée partout où elles passent. Dans la maison, dans sa chambre, il y a des toiles d'araignée qui couvrent ton visage. Et tu vois même des araignées partout dans ta maison, dans les habits, dans les tiroirs. Partout tu vois ces araignées, même étant en Europe. Mais tu ne comprends pas que c'est une mauvaise manifestation satanique et démoniaque. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, le feu du Saint-Esprit descend dans ton corps. Le feu du Saint-Esprit descend dans ta vie. Détruis au nom de Jésus. Détruis au nom de Jésus. Pénètre dans ta maison. Pénètre dans ta maison. C'est pourquoi cette semaine, pour tous ceux qui viennent, je ne parle pas de tous ceux qui prennent l'engagement de nous regarder que sur les réseaux. Tu dois venir au Temple des Nations à Paris. Si tu restes à la maison, tout ceci ne te concerne pas, à moins que tu sois hors de la France. Si tu es hors de la France, parce que Dieu écoute ce que je dis. Dieu écoute ce que je dis. Si je dis que ceux qui me regardent à Paris, et s'ils ne se lèvent pas pour venir au Temple des Nations, vous n'aurez rien. C'est ce que Dieu va faire également. Parce que tu es incapable de se lever et venir, tu as été envoûté, tu es contrôlé, et tu dis, j'écoute à la radio. Non! Il est dit dans la même Bible qu'ils quittaient leur maison à Jérusalem, ils allaient adorer au temple. Dieu n'a pas dit que tu vas écouter à la radio, tu vas regarder dans les réseaux sociaux, et tu ne bouges pas de ta maison, comme les sorciers vous trompent que l'église des quatre murs est finie. Il n'y avait pas église. Il n'y avait pas que l'église. Vous lisez la Bible. Écoute l'église primitive. Ils allaient au temple tous les jours. Ils persévéraient dans l'enseignement. Il y avait des cellules dans la maison, mais ils allaient au temple tous les jours. Lorsque Pierre a produit le miracle, l'homme qu'on déposait à l'entrée du temple, Pierre l'avait délivré où? C'est pas à l'entrée du temple. Et quand il est entré au temple, tout le monde le voyait. Mais vous restez chez vous en disant, oui, je regarde à la télé, ou bien j'écoute sur les réseaux sociaux, mais si tu es à Yaoundé, ça ne te concerne pas. Je répète, si tu es à Yaoundé, tu restes à la maison, ça ne te concerne pas. Parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Et je suis le prophète de ce message. Même si les gens copient sur les réseaux sociaux pour aller dire la même chose, mais c'est la photocopie, c'est pas l'original. Mais c'est la personne qui reçoit le message par révélation. C'est cette personne que Dieu utilise également pour faire son travail. Si tu ne fais pas selon ce qu'il dit, tant pis pour toi. Tu vas dire, oui, il y a quelqu'un qui avait déjà fait ça, ou bien je vais suivre, il a prié à la télévision, il a prié à la radio, ça me suffit. Mais le diable te trompe, bien-aimé. Il te trompe. Je parle des sensations de piqûres. Et maintenant, les palpitations cardiaques. Si tu as toujours eu des palpitations cardiaques, j'ai dit, tu as toujours eu des palpitations cardiaques, c'est le moment de se lever. Et de se lever et venir au temple. Parce qu'on va déposer l'huile d'onction. L'huile d'onction, c'est la présence permanente du Saint-Esprit. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il prie. Est-il malade, qu'il appelle les anciens. Et les anciens, même si tu as l'huile d'onction à la maison, comme moi j'avais béni, ce n'est pas toi qui dois appliquer cette huile sur toi. Il y a des gens qui vivent dans la rébellion, mais il regarde mes messages à la maison. Tu n'as pas de part ni l'eau. C'est ce que Pierre a dit à Simon. Il a dit à Simon, tu n'as ni part ni l'eau dans cette affaire. Je vois que tu es dans un fil à mer et dans les liens de l'iniquité. Tu n'as ni part ni l'eau dans cette affaire. Tu vis dans la rébellion. Ne prétends pas que j'ai regardé à la télé. Tu dois quitter ta maison et tu viens au temple. Je répète, que ce soit au Cameroun, surtout ceux qui vivent à Yaoundé et dans ses environs, tu dois quitter là où tu es. Tu arrives en vente Tropicana. Ou bien il y a des gens qui disent, oui, moi je viendrai au temple seulement quand papa sera là. Mais ce n'est pas le même papa qui prêche à distance. On me suit, est-ce que vous ne me suivez pas là au temple nation? Si vous me suivez, acclamez le Seigneur une fois de plus. Ils me suivent parfaitement. Ça veut dire que je suis physiquement là. Mais un rebelle qui venait, et puis il quitte, mais il dit, je vais continuer à écouter à la radio, quand tu n'as pas une radio à Yaoundé. Tu n'as ni part, ni l'eau dans cette affaire, si tu ne te lèves pas pour venir là en vanne. Et ceux de Paris, c'est la même chose. Tu me suis, tu ne diras pas que. Même si tu persévères dans une église, mais tu viens sur ta délivrance. Ça ne veut pas dire que Dieu a donné à chacun selon les limites. Il a assigné des limites à chaque serviteur. Ce qu'il m'a donné, il n'a pas donné à l'autre. Ça ne veut pas dire que tu changes d'église. Tu dois changer l'église que la religion. La religion, si tu es dans une religion, là, monsieur, tu dois recevoir le Seigneur. Mais une église de réveil, on n'enseigne pas le salut, passant par la démolition du péché originel, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas encore né de nouveau. Alors ne me dis pas que oui, ah, docteur, je te regarde sur YouTube seulement, et pourtant tu es à Paris, et tu ne viens pas au temple nation Paris, sache que ce que je dis là ne te concerne même pas un peu. Tu es seulement un auditeur oublié. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Mais ceux qui sont hors de France, qui me suivent maintenant, ceux qui sont hors de, vous pouvez aussi vous lever et venir. Quand vous aurez les moyens de le faire. Mais lorsque vous êtes hors de, si vous êtes à Douala, nous avons une église à Douala, au temple de nation Douala. Il y a temple de nation à Douala maintenant. Vous devez y aller. Parce qu'ils mettent ce message. Ils suivent ce message. Ils diffusent ce message à l'église. Ils commencent à prier. Donc je parlais des palpitations cardiaques. Surtout en période de menstrues pour les femmes, les palpitations cardiaques pour tous les hommes, des maladies cardiovasculaires. Tu as toujours des problèmes de tension, tu as toujours des vertiges, tu ne sais pas pourquoi. Et moi aujourd'hui, je détruis au nom de Jésus-Christ cet envoûtement. Parce que si tu es concerné, lève-toi. Alors comment toi tu vas te lever? Toi qui me suis, étant à Paris, étant à Yaoundé, toi tu me suis, tu vas te lever dans ta maison? Tu es hypocrite. Parce que c'est parce que l'homme qui a reçu la vision a dit, Dieu me dit de te demander de te lever. Et tu descends en vanne. Les sensations d'épuisement sans cause. Tu te sens fatigué. Les pertes d'énergie. Ce qu'on appelle scientifiquement l'apathie. Fatigue au réveil. Tu es fatigué. Et puis tu commences à continuer à dormir. Il y a un homme normal, une personne normale, dort 8 heures de temps par nuit. Comme d'habitude au niveau du Cameroun, on constate qu'ils sont coupés. Ils dorment 8 ans de temps par nuit. 8 ans de sommeil. 8 heures de sommeil. Mais toi, tu dors combien? 15 heures. Et puis, tu trouves ça, oui, tu commences à dire, oui, on nous demande de dormir suffisamment. Ça, c'est pas suffisamment. Tu es un cadavre ambulant. Plus de 8 heures de sommeil, tu te couches à 22 heures, normalement, à 6 heures, tu es debout. 22 heures, 6 heures, tu es debout. Ça te fait 8 heures de sommeil. 8 heures pour une personne normale. Ça veut dire que si tu te couches à 2 heures du matin, 8 heures du matin, tu es debout, normal. Il y a d'autres également qui dorment 5 heures, 4 heures. Ça veut dire la moitié du sommeil normal. Je dis bien la moitié du sommeil normal. 4 heures de sommeil par jour. Et toi, tu trouves ça normal. Tu es envoûté. Ça provoque donc des crispations douloureuses au niveau de la poitrine. Au niveau du dos, au niveau de la nuque. Si tu as ces crispations douloureuses, tu as des migraines, des douleurs ponctuelles, en particulier le soir avant de dormir. Les pertes d'appétit inexplicables. Je répète, des pertes d'appétit inexplicables. Des sensations d'épuisement sans cause. Des cauchemars éprouvants et répétés. Des cauchemars éprouvants et répétés. J'ai détruit ces envoûtements au nom de Jésus. Réveil en pleine nuit avec sensation de présence dans la chambre. C'est ce qu'on appelle parfois, dans le jargon des coutumes et traditions, les fantômes. Les fantômes, ça n'existe pas. Ce sont des démons, ce sont des esprits. L'impuissance sexuelle. Vous avez des faiblesses sexuelles. Vous prenez du Viagra. Vous vivez avec du Viagra tous les jours. Tu ne peux pas aller avec ta femme naturellement. La femme elle-même aussi doit prendre toujours les excitants. Mais vous êtes envoûté. C'est-à-dire, votre couple est véritablement en danger. Vous n'irez pas loin. Vous n'irez pas loin. La peur irraisonnée dans un endroit connu. Tu as peur même dans ta maison. Tu ne peux pas rester seul dans la maison, tu commences à crier. Ou bien, tu appelles quelqu'un, viens me voir, viens faire ceci. Tu trouves ça normal. Les sensations d'attouchement sur le corps, allant parfois jusqu'à un ressenti d'intro, c'est-à-dire comme si on introduit quelque chose. Quelqu'un te touche. Tu ressens ça physiquement, pas que tu es dans le sommeil. Il y a des femmes qui ne sont pas couchées, qui ne sont pas dans un sommeil profond, mais elle a des rapports, elle sent comme si elle ressent la présence d'un corps étranger dans ses parties intimes. C'est comme si elle avait des rapports normaux. Parfois, elle est assise au milieu des gens. Et ça va jusqu'à la jouissance. Et ceci, Tu es envoûté. La frigidité, sans cause, parce qu'il y a une frigidité qui peut arriver parce qu'on est malade. Et même cette maladie-là a aussi une cause. La frigidité sans cause. Et c'est pourquoi je prends autorité en détruisant, en renversant par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus. Il y aura des actes prophétiques qui seront posés à partir de ce jeudi, si vous arrivez. Il y a beaucoup de personnes dans mon ministère qui ont connu la délivrance sur ces choses. Qui ont connu effectivement la délivrance. Cameroun, est-ce que vous nous suivez? Nous te suivons 5 sur 5, 12 sur 12. Ok. Vous devez demander aussi la délivrance parce qu'il y a toujours des coupures chez vous. Vous devez demander la délivrance. Donc, je parlais justement des sensations d'attouchement sur le corps. Tu ressens que il y a quelqu'un qui te touche physiquement. Ou bien tu ressens que tu as des rapports sexuels alors que tu n'es pas dans le sommeil. Tu ne dors pas. Mais il y a des femmes également, elle n'est pas dans un profond sommeil. Mais elle a des sensations comme si un corps étranger était logé dans ses parties intimes. Ce qui prouve que tu es envoûté. Comme tu avais des rapports sexuels, et parfois tu es même excité jusqu'à être mouillé, jusqu'à arriver au moment de l'orgasme. Mais tu n'es pas dans le sommeil. Si cela t'arrive, je prends autorité au nom de Jésus et je détruis par la puissance du Saint-Esprit la manifestation du ver de femme. Le ver de femme, c'est le serpent qui est logé dans ton corps, dans ton vagin, dans ton utérus. Ton utérus garde. Et c'est un homme qui avait logé. Même si tu n'es pas, même si tu es encore vierge, il y a des femmes qui ont été déviergées par des esprits, par des sorciers, alors qu'elles n'avaient jamais eu de rapports sexuels normaux, mais elle a été déviergée. Elle a été déviergée, elle s'est retrouvée déviergée. Il y a d'autres qui se sont retrouvées déviergées par la masturbation. Elle se masturbait avec les objets. Finalement, elle fut déviergée. Ça, c'est un envoûtement. Et je détruis par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus-Christ Nazareth, par le sang de Christ, par le feu du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'annule et je chasse ce démon. Je le projette dans l'abîme des ténèbres. Ce serpent doit sortir de ton corps. Ce serpent doit sortir de ton âme. Doit lâcher prise au nom de Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Tu dois être libéré, libéré, libéré par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. S'il y a des séries de catastrophes, des problèmes, des drames, des catastrophes dans ta vie, catastrophes financières, catastrophe matérielle, des incendies, tu as subi des incendies, parfois c'est la voiture qui prend feu, parfois c'est mécanique, des accidents ou bien des pannes bizarres, le matériel qui tombe en panne bizarrement, ça ce sont des séries de désagréments, des problèmes ou des drames, des catastrophes, des inondations, des choses semblables qui te frappent. Dans ta famille est passée par là. Des incendies bizarres. Pendant que j'exerçais comme missionnaire au Congo, Brazzaville, après moi, il y avait une femme évangéliste. Elle était évangéliste, servante du Seigneur. Écoutez-moi bien ce qui va arriver. Ce drame a fait la une des journaux. La femme était assise sur une chaise dans sa maison et son enfant était là à côté. Il y a un feu Ils sont en plein air dehors, devant leur maison. Un feu qui s'allume en dessous de sa chaise, là où elle était assise. Elle était servante de l'Éternel. Elle avait reçu le Seigneur. Elle prêchait l'Évangile. Elle délivrait les gens. Parce que la plupart des gens qui délivrent, qui prient pour les autres, ne savent pas qu'eux-mêmes ont des problèmes. Elle avait des problèmes, mais elle ne le savait pas. Des problèmes de sorcellerie. Écoute, un feu s'allume en dessous de sa chaise. Et aussi en dessous de la chaise de ça. Le banc, hein, la chaise là, c'est le banc. Le banc en bois. C'est pas une chaise ou bien en plastique ou bien en cuir. Un banc en bois. Elle est assise là. Le feu se déclare en dessous de la chaise. Ceux qui disent que la sorcellerie n'existe pas. Comment un banc, vous connaissez, un banc en bois, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'essence. Mais le feu se déclare sous le banc. Et la femme s'enflamme. Elle n'est pas à l'intérieur de la maison. La femme s'enflamme. Sa fille aussi, qui était assise de l'autre côté, le feu se déclare aussi en dessous, de ce banc, là où elle était assise. Il y a un brasier. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de pétrole, il n'y a rien. Quand les voisins viennent pour éteindre le feu était déjà un brasier sur les deux. Là dehors. Mais la mère prêche l'évangile. Je dis bien la mère prêche l'évangile. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La mère prêche l'évangile. Mais les deux, la mère et, et l'enfant, calcinés. Mais d'où provenait le feu? Ceux qui me disent, qu'ils parlent maintenant, qui disent que la sorcellerie n'existe pas, et qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir de problème de sorcellerie. Elle prêchait l'évangile, évangéliste. Dirigeant une assemblée. Si on l'avait dit avant qu'elle avait des problèmes de sorcellerie, elle n'allait pas croire. Elle va se citer le verset biblique. Si une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Mais qu'est-ce qui est passé dans ta vie? Est-ce que ça peut passer si tu ne poses pas un acte? Et l'acte que tu poses ici, c'est reconnaître, identifier toi-même ce qui t'arrive. Éloignement des relations des amis. Voilà un autre signe. Des amitiés se terminent toujours en queue de poisson. Ou des affections d'une clientèle. Tu avais des clients, mais ces clients-là aujourd'hui commencent à disparaître. Ils ne viennent plus. Tu proposes la marchandise ou bien de tes services, personne ne regarde. Tu es prêt à aller voir les féticheurs, les marabouts, mais tu t'enlises. Et c'est pourquoi je prends l'autorité par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth. Pendant que je le dis, toi-même tu pries aussi. Au nom de Jésus, tu allumes le feu qui les envoie pour brûler les gens. Parce que les sorciers utilisent également le feu. Comme ils ont brûlé cette femme, ils ont brûlé ton argent. C'est pourquoi toi tu n'as pas d'argent aujourd'hui. Parce que les sorciers ont brûlé ton argent. Ils ont brûlé les relations. Ils ont brûlé les relations, les sentiments qui étaient dans le cœur de ton mari envers toi. Ils ont brûlé ce sentiment. Et c'est pourquoi il y a des problèmes sentimentaux dans ton foyer, dans le cœur de ta femme. C'est pourquoi il y a de la haine, des mésententes de part et d'autre, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, par le pouvoir de Jésus. Ce sont des signes que j'ai donnés hier. Je reviens là-dessus pour prier là-dessus. Par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth, le sang de l'Alliance, les accidents de voiture. Un autre ici, accident de voiture, par-ci, par-là. Tu connais des accidents de voiture, des accidents de moto, des accidents de ceci. C'est la mort précoce, les démons de mort précoce. C'est l'envoûtement. Et c'est aussi des envoûtements. Les sorciers qui veulent ôter ta vie. Ils ont voulu ôter la vie du Seigneur. Parce que le Seigneur avait une mission. Tu as une mission. Mais les sorciers veulent ôter ta vie. Ils veulent que tu meurs. C'est pourquoi tous ceux qui tombent constamment malades, tu tombes constamment malade, je dis c'est l'acte des sorciers, l'acte des envoûteurs. Tu tombes constamment malade. Je détruis au nom de Jésus. Les médecins proclament toujours que tu n'as pas de sang. Tu es anémié. Tu es anémié. J'enlève le tuyau qui est sur ton nombril là. J'enlève le tuyau qui est sur ton nombril. Ils viennent tirer le sang dans ton corps. Ils viennent avaler les globules rouges. Ils viennent avaler les globules rouges. On a déclaré que tu as le VIH. On a déclaré que tu as les maladies cardiovasculaires. On a déclaré que tu as les maladies auto-immunes. Les maladies comme le cancer qui touchent le système de défense. Ce sont des sorciers qui avalent tes globules blanches, tes globules rouges ou blancs, tes globules, le système de défense est attaqué par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. J'envoie le feu du Saint-Esprit détruire leur virus qu'ils envoient dans ton corps. J'envoie le sang de Jésus qui remplace ton sang maintenant. Le sang de Jésus remplace ton sang. On a déclaré que tu as le cancer. On a déclaré que tu as le virus. On a déclaré que tu as le sida. On a déclaré que tu as des maladies auto-immunes. Par le feu du Saint-Esprit, j'envoie le sang de Jésus-Christ, le sorcier de ta famille, le sorcier qui avait couché avec toi spirituellement, qui t'avait déviergé, ou bien qui avait couché avec toi depuis longtemps dans les rêves. Il a déposé les œufs de Satan. Il a déposé les œufs de ses maladies. Il a déposé les virus. Il a déposé les microbes. Par le feu du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth, j'ai détruit tout ce qu'ils ont fait au nom de Jésus. J'annule les imprécations. Il y a des gens qui ont pris la décision de te faire du mal, de te critiquer, de t'insulter, de dire des choses mauvaises. Ce sont des envoûtements. Ils ont pris la décision de te calomnier. Les calomnies, ce sont des envoûtements. Les calomnies, ce sont des envoûtements afin que tu sois rejeté. Les calomnies sont toujours accompagnées du charbon mystique sur le visage. C'est pourquoi il y a le rejet, Dans ta belle famille, on te calomnie. Dans ta famille, tu as été calomnié. Tu as été victime des envoûtements. Le sang de Jésus-Christ, tu as été victime des envoûtements. Il y a ton fiancé, on t'avait calomnié chez ton fiancé. Et les fiançailles ont été brisées. On t'avait calomnié chez ta fiancée. On t'avait calomnié chez ta femme. On t'avait calomnié envers ton mari. On a dit des choses à ton mari contre toi. Ce sont des calomnies de sorcellerie. Et ton mari a cru. Et ta femme a cru. Elle a été envoûtée. Et l'homme a été envoûté. Le sang de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit. On t'avait calomnié chez ton patron. On t'avait calomnié chez ton patron, chez ton père. On t'avait calomnié chez le directeur, chez le ministre, chez le président de la République, afin que tu sois rejeté. Ce sont des envoûtements. Tu devais être déjà embauché ou bien élevé en grade. Mais tu as été tellement calomnié chez le commissaire. Tu as été seulement calomnié chez le général, chez le colonel, afin que tu ne gardes que les mêmes galons. Les mêmes galons jusqu'à ce jour. Le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit de Dieu. Le feu, la puissance du Saint-Esprit. Le sang de l'Alliance. Le sang de l'Alliance. Touche, renverse, renverse au nom de Jésus. Détruis au nom de Jésus. Les sommeils prolongés. La pauvreté prolongée. Le chômage prolongé. Tu déposes un dossier. Que ce soit carte de séjour, c'est rejeté. Les esprits de suivi. Ta grand-mère sorcière. On t'avait dit, peut-être tu ne le sais pas. Ta grand-mère sorcière. Tu vis dans l'utérus de cette femme. Dans l'utérus de cette femme, elle a accès facile. Parce que ta mère est sortie de son utérus. Elle a accès facile dans ton corps. Par les liens de parenté. Je détruis au nom de Jésus-Christ ce lien spirituel de parenté avec les sorciers de ta famille qui tirent des ficelles pour détruire ton foyer. Au nom de Jésus qui perturbe tes enfants. Tes enfants sont dans la désobéissance. La rébellion des enfants dans la famille. Tes enfants sont dans une rébellion. Ils ne t'écoutent pas. Ils sont dans une rébellion. Ils sont dans un flacon. Et je détruis le flacon. Je détruis le flacon au nom de Jésus. J'applique par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus de Nazareth, le sang de l'Alliance, le sang de l'Alliance, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, l'excitation anale, l'excitation anale, c'est-à-dire les actes infâmes. Tu as toujours envie qu'on te fasse ce qu'on appelle la pénétration anale, qu'on te fasse la pénétration anale. Tu as une envie folle. Aujourd'hui, c'est un envoûtement, cette pénétration. Et pourtant, ce n'est pas ton domaine. C'est pas ton domaine. Mais tu as toujours envie. Tu as toujours envie. Ou bien que toi, tu le fasses à ta femme. Si ta femme n'accepte pas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a des problèmes, des envoûtements. Ou bien ton mari t'avait obligé. Un homme t'avait obligé à faire cette pénétration en mal. J'ai détruit cet envoûtement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il avait tout ramassé. Il a tout pris. Il a tout volé dans ta vie. Il t'a fait cette pénétration anale avant de se marier ou après avec un homme. Je dis bien un homme qui t'avait rencontré, qui t'avait rencontré une femme, qui t'avait exigé de faire cela. Ou bien elle a commencé à sucer tes parties intimes, à sucer tes parties intimes, à sucer, à sucer, à sucer, à sucer, à sucer, à sucer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, la présence d'un python dans tes parties intimes, d'un serpent dans tes parties intimes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu rejettes des rapports sexuels, tu as des douleurs pendant les rapports sexuels, c'est un envoûtement, des douleurs pendant les rapports sexuels, un envoûtement, un envoûtement, un envoûtement, des douleurs pendant les rapports sexuels, des douleurs pendant les rapports sexuels, des douleurs pendant les rapports sexuels, au nom de Jésus, tu ne connais aucun plaisir. Tu rejettes des rapports, tu rejettes des rapports. Le sang de Jésus. Et pourtant, dans la nuit, quand tu vas avec des démons, des sorciers dans les rêves, tu ressens un plaisir énorme. Le feu du Saint-Esprit de Dieu. Le feu du Saint-Esprit de Dieu. Le feu du Saint-Esprit de Dieu. Le feu du Saint-Esprit de Dieu. Le sang de l'Alliance. Le sang de l'Alliance. Le sang le sang de l'Alliance. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit te touche. Bouleverse ta vie aujourd'hui. Bouleverse ta vie aujourd'hui. Bouleverse ta vie. Détruis, détruis, détruis, détruis, détruis, détruis, détruis. Tout ce que Satan a programmé dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant, tu sors des forteresses. Tu sors des forteresses de Satan. Des forteresses d'alcoolisme. Tu as commencé à boire. Tu ne peux pas abandonner l'alcoolisme. Tu as des antécédents sur l'alcool. Ton père buvait. C'est un envoûtement dans la famille. Pendant que ton père buvait, il a exposé la nudité. Pendant que ta mère buvait, elle a exposé de la nudité. Tu as regardé la nudité de tes parents. La nudité de tes parents pendant qu'ils bagarraient. Ou bien pendant qu'ils étaient sous. Tu as regardé la nudité. Même s'ils n'ont rien dit. Même s'ils ne le savaient pas. Tu as surpris tes parents au moment de l'accouplement. Moi qu'ils avaient des rapports sexuels, tu les as surpris. C'est un envoûtement pour toi. Aujourd'hui, tu connais des problèmes de finances. Tu connais des problèmes dans ton propre foyer. Un enfant qui surprend ses parents aura des problèmes graves financiers dans son propre foyer. Tu l'as fait quand tu étais jeune. Tu as découvert la nudité de tes parents. Au sang de Jésus. J'arrose le sang de Jésus. J'arrose le sang de Jésus. J'arrose le sang de Jésus. Je détruis par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ Nazareth, le sang de l'Alliance, le sang de l'Alliance, le sang de l'Alliance, le sang de l'Alliance. Tu as fréquenté les prostituées. Tu as fréquenté les prostituées. Ou toi-même, tu as fait la prostitution. Les hommes que tu as rencontrés t'ont dépouillé. Ils t'ont dépouillé. Ils t'ont dépouillé. Ils t'ont dépouillé. Ils t'ont dépouillé. Le sang de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit de Dieu, le sang de l'Alliance, le sang de l'Alliance, le sang de l'Alliance, le sang de l'Alliance, le sang de l'Alliance, le sang de l'Alliance. L'apôtre Paul parle des armes. Il renverse des forteresses. Je renverse toutes les forteresses, tous les raisonnements sataniques démoniaques, toutes les forteresses. Tu as les démons d'incrédulité qui t'animent, les esprits d'incrédulité, les esprits d'incrédulité. Tu ne crois pas entièrement à la parole de Dieu. Tu ne crois pas entièrement à la parole de Dieu. Tu étais dans les religions philosophiques, dans les théories psychologiques, dans les perspectives des religions humaines et ou démoniaques. Ce sont des forteresses. Et tu as des liens avec des religions qui ont parlé de Christ, ont parlé de Jésus. Mais on ne prêche jamais la nouvelle naissance. On parle de Marie. Ce sont des envoûtements. C'est pourquoi il y a autant d'incrédulité dans ta vie. Tu as utilisé les chapelets. Tu as utilisé les chapelets. Tu as utilisé de l'eau bénite par des prêtres qui n'étaient pas nés de nouveau. Tu as été voir des féticheurs. Tu as été voir aussi des prêtres qu'on appelle exorcistes. Des prêtres exorcistes. Des prêtres exorcistes. Tu as été envoûté. Ils t'avaient commandé aussi les parfums. Tu as porté des crucifixes sur le cou. Des crucifixes sur le cou. Tu as porté des pentacles. Soi-disant, les objets de dévotion. Tu as utilisé les objets de dévotion, des bougies. Tu as allumé des encens. Tu as allumé des encens. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit, tu n'es pas entré dans l'alliance du chiffre 7. Tu n'es pas entré dans l'alliance du chiffre 7. Mais tu es entré dans l'alliance. Dans l'alliance, dans le nœud satanique. Dans le nœud démoniaque. Il faut que l'on dépose l'huile d'onction sur toi. L'huile d'onction sur toi. L'huile d'onction sur toi. C'est pourquoi on doit déposer l'huile d'onction sur tous ceux qui me suivent ce soir au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Et tous ceux qui me suivent, que ce soit qui vivent en France, vous devez venir tous les jeudis pour recevoir l'huile d'onction. Parce que dans le livre de Jacques, il est dit quelqu'un parmi vous est-il malade. Quelqu'un parmi vous est-il malade. Qui l'appelle les anciens. Tous ces signes, c'est la maladie. Une maladie spirituelle. La maladie n'est pas seulement physique. La maladie est aussi spirituelle. La maladie est aussi spirituelle. C'est pourquoi aussi, là, au livre de Marc, toujours, la Bible dit, ils sont partis. Ils ont chassé les démons. Ils ont oindule les malades. Ils ont chassé les démons. Ils ont oindule. Et ils guérissaient. Lorsque Jésus a envoyé les apôtres dans l'île de Marc, il a envoyé les apôtres, ils sont partis, ils ont oindule. Et dans l'évangile de Jacques, c'était la même chose aussi. Dans l'épître de Jacques, c'était aussi la même chose. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Mais toi qui me suis seulement sur le réseau, comment je vais faire pour déposer l'huile d'onction sur toi? Parce qu'il y a la maladie financière, il y a la maladie sentimentale, il y a les maladies, lorsque tu as été envoûté, lorsque on a détecté tous les signes que je suis en train de donner, c'est la présence des esprits dans ton corps. Et si ils produisent des maladies, que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit des maladies sentimentales, à tous les niveaux, des maladies dans les finances, ce sont des maladies. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens, dit la Bible. Qu'il appelle les anciens, dit la parole de Dieu. Oui? Est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église? Et que les anciens prient pour lui et en loignant d'huile au nom du Seigneur. En loignant d'huile au nom du Seigneur. Dans ce jeudi, vendredi, dimanche, je dois oindre tout le monde. Vous suivez. Vous avez des perturbations de la digestion. Il y a des gens qui sont constamment constipés. J'ai rencontré une sœur qui est venue me voir récemment. Elle fait 2 jours, 3 jours sans déféquer. Tu trouves ça normal? Que toi, un homme normal, va au WC 2 fois par jour. Au moins 2 fois par jour. Une personne normale. Selon la science. Mais toi, parfois quand tu vas au WC, c'est comme si une femme qui accouche. Tu entends, il faut que tu pousses. Et tu trouves ça normal. Tu as des perturbations de la digestion ou du transit. Des difficultés soudaines à supporter les jeunes enfants. Tu as des difficultés à supporter les jeunes. Tu vois, il est au milieu des enfants. Il y a des gens comme ça, il est au milieu des enfants. Ils n'aiment pas vivre, même les grands-parents, certains grands-parents, alors que ce sont les grands-parents qui aiment parfois rester avec les petits-fils. Mais il y a cette chose, lorsque tu as eu des grands-parents difficiles, toi là, tu as eu des grands-parents difficiles, Sache que tu as vécu dans un envoûtement. Tu es dans un envoûtement. Si cela n'a jamais été découvert ou bien dénoncé comme je suis en train de le faire. Ton grand-père sorcier, ta grand-mère sorcier, et tu le sais. Et toi, tu penses que tu es indemne des actes de sorcellerie dans ta vie? Les pertes de mémoire dans le cadre d'activité intellectuelle. Des pertes de mémoire causées qui peuvent, c'est-à-dire, sans que tu ne prends pas de médicaments. C'est pas que tu as pris un produit. L'oubli, tu vois que quand il entre dans la maison, il entre dans la chambre, il quitte le salon pour aller chercher un objet dans la chambre. Mais il arrive au centre de la chambre, il oublie ce qu'il allait chercher. Il y a d'autres qui ne parviennent pas à retenir le verset biblique. La fragilité nerveuse, atteignant un paroxysme en période d'examen. C'est ce genre d'enfant qui échoue aux examens. Et pourtant, il était bien. Pendant la période scolaire, il était bien. Le désir d'adultère, de tromper le ou la partenaire. Donc, tu as envie, à un moment donné, tu as envie de commettre l'adultère. Tu es envoûté. La femme a envie de commettre l'adultère. Et ça se fait aisément. Parfois, quand tu le fais, tu n'as pas de remords. Et quand tu rentres, tu trompes ton mari ou ta femme, c'est-à-dire, tu trouves ça normal. Mais tu es envoûté. Ça ne te dit absolument rien. De mener une double vie. Il y a aussi l'adultère en pensée. Pendant que tu es avec ton mari ou ta femme, tu as l'image d'une autre personne, tu es envoûté. Tu as l'image d'une autre personne dans la tête. Pour être excité, il faut que tu penses à X que tu avais rencontré, ou à une fille que tu as regardé les parties intimes, ou bien que tu as eu des rapports avec elle, ou à un garçon. Là, tu deviens, donc tu es donc excité. Mais tu es envoûté, madame. Tu es envoûté, monsieur. C'est pourquoi je prends autorité. Donc nous allons continuer demain puisqu'il est presque l'heure. Nous continuons chaque soir avec cette délivrance. Je vais continuer à énumérer parce qu'il y en a encore beaucoup à énumérer. Donc vous devez absolument monter au temple, ceux qui sont en vente, ceux qui sont à Yaoundé, d'être au temple tous les jours. Ceux qui sont à Paris, si vous dites que ceux qui sont en France, vous pouvez quitter pendant le week-end pour venir assister au culte de dimanche. Jeudi, vendredi. Il y a des gens qui disent, oui, voilà, moi je suis déjà dans une église de réveil. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on te demande de quitter ton église? Mais Dieu a signé des limites. Mais il y a des pasteurs, je ne sais comment les appeler, qui pensent qu'ils connaissent tout. Il est prophète, il est évangéliste, il est apôtre, il est ceci. Il joue, tu joues le rôle, mais tu n'as pas été appelé. Il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, comme évangélistes. Pourquoi il a qualifié, Jésus que ça a qualifié différemment ses serviteurs dans ces services-là? Pourquoi il ne peut pas donner directement à tous? Il te donne tous les dons une fois. Pourquoi? Parce que tu es un être humain. Ne fais pas croire aux gens que tu as toutes ces capacités. Non. Non. Lève-toi et viens. Moi, je n'encourage pas la rébellion. Mais nous devons travailler dans le corps de Christ. Je ne travaille pas seulement pour mon assemblée. Or, jamais, je ne suis pas un missionnaire itinérant qui n'a pas d'assemblée, qui n'a pas de racines. Là, je prêche en direct dans le temple où Dieu m'a utilisé au Cameroun. Ce n'est pas le temple d'une autre personne. Je suis le père spirituel de là, de ce temple, le temple nation à Yaoundé, au Cameroun. Et le temple nation Paris également, au Cameroun. J'ai des enfants spirituels partout. Lève-toi pour venir recevoir ta délivrance. On va déposer l'huile d'onction sur toi. L'huile d'onction, c'est biblique. C'est pour sceller. Jeudi, ça commence jeudi. Vendredi, ne rate pas. Et pour le Cameroun, vous suivez, invitez les gens, invitez, invitez. Pour Paris, voici l'adresse 34 avenue du Vieux Chemin, au 92 390, Asnières-sur-Seine, Île-de-France, pas Asnières, Villeneuve-la-Garenne. Ceux qui ont écrit Asnières sur le site, ils doivent changer ça. Villeneuve-la-Garenne. Je dis bien Villeneuve-la-Garenne, c'est juste à côté d'Asnières, c'est juste là. Dans les cultes 18h30, tous les jeudis, tous les vendredis 18h30, l'adresse est déjà sur la vidéo. Et tous les dimanches à 9h, au Cameroun c'est tous les jours, sauf les samedis. Je répète, si vous regardez, ou bien vous écoutez à la radio, disant que, étant à Yaoundé, disant que les prières du docteur ou bien quelque chose me concerne, ça ne te concerne pas. Si tu habites Paris et ses environs, les villes voisines, sans venir au Table Nation Paris, disant que ces prières me concernent, ça ne te concerne pas parce que comment je vais faire? Est-ce que je vais t'envoyer par Internet, par Facebook, l'huile d'onction? Je vais t'envoyer l'huile d'onction par Facebook? Donc ça ne te concerne pas. Puisque je suis le prophète que Dieu a utilisé, je peux te refuser la bénédiction. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Parce que tu ne fais pas un sacrifice sur ton temps, se lever. Mais tu fais un sacrifice pour aller chercher la nourriture de tous les jours pour aller travailler.